C'était un très bon moment. Merci. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec vous. En anglais, is it a good moment for me? En espagnol, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on écrit en espagnol. Pourtant, je suis en espagnol. Au revoir. Au revoir. En français, on dit au revoir. Goodbye. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Thank you.